Je m'échappe souvent de me voir assuré. Je prends garde et pourtant, mais je suis ponctionné de tous les côtés. Et je suis ponctionné, mais qui veut me croquer? Je suis un otage de la modernité. Je suis un otage de toute liberté. Défilé, mes empreintes s'envolent et je reste masqué pour ne plus qu'on me vole. Si on peut m'oublier, égarer mon dossier, me foutre la paix, ce n'est pas compliqué. Mais je suis ponctionné de tous les côtés. Et je suis ponctionné, mais qui veut croquer? Je suis un otage de la modernité. Je suis un otage de toute liberté. Ce n'est pas pour m'enfuir, je serais bien gentil si je pouvais choisir. Mais je suis ponctionné de tous les côtés. Et je suis ponctionné, mais qui veut croquer? Je suis un otage